Paris sera beau, on chantera les oiseaux. Paris sera beau, si les oiseaux me nantent. Paris sera beau, car les oiseaux, allez, Paris sera beau. PP 106.3, vous êtes toujours avec la Jungle des Luttes, le programme mensuel du CSPCL. On va enchaîner maintenant avec une interview qu'on a réalisée avec un copain qui était au Mexique il y a quelques temps de ça et qui est passé par la ville de Monterrey, une ville assez emblématique du Mexique et qui va nous raconter un petit peu ce qui s'y passe maintenant. Donc oui, Monterrey c'est la deuxième ville du Mexique après Mexico. Et avec Guadalajara, c'est plus ou moins la plus grande ville du Mexique. Et donc, c'est une ville assez industrielle, d'un passé vraiment industriel, avec des usines où on bosse l'acier, et avec beaucoup d'usines, beaucoup d'ouvriers. Donc, une ville ouvrière, une ville industrielle, qui, dans les dernières années, elle a vraiment changé beaucoup. On l'appelle la Sultana del Norte, parce que c'était vraiment une ville où les gens arrivaient, elles pouvaient trouver du boulot, le style de vie, il était assez riche, bon, toujours en pensant au Mexique, c'est tout près des États-Unis, à plus ou moins 2 heures de la frontière avec les États-Unis. Et il faut dire que si on connaît un petit peu le Mexique, on parle toujours du sud, du centre du Mexique, et donc nous on est habitués aux luttes qu'on connaît au Mexique, dont on parle souvent. Je dois dire que la ville de Monterrey, pour moi, c'était quelque chose d'inconnu, quoi, de méconnu, quoi. C'est vraiment quelque chose qui change complètement la perspective et la réalité du Mexique que tu connais. Et donc, c'est Mexique dans le Mexique, et tu arrives là-bas, après tout le voyage que tu fais, on est parti de Mexico, et il y a des copains qui sont partis de Oaxaca, avec des différentes organisations, dont le Rebozo, Vereda Autonomas, de Oaxaca, et des gens de la Pirata, et des gens du DF. On a fait tout le voyage, et déjà en faisant le voyage, tu vois le changement qui est en train de se passer dans le pays, quoi. Tu passes à travers le désert, donc d'abord tu sors du DF, tu passes à travers le désert, et après presque une journée de voyage en voiture, tu arrives à Monterrey, et c'est vraiment une grande ville avec plein de trafic, avec plein de bruit, c'est un vrai chaos. On est passé tout de suite, on est allé voir la ville d'en haut, et tu te rends vraiment compte, comme la géographie de la ville, comme elle est construite, que c'est une ville, je sais pas, problématique, ouais, avec sa fascination. Ouais. Etc. Mais tu le vois d'en haut, non? Tout, les rues, comme elles sont faites, il y a toute une rivière qui traverse la ville. Sauf que la rivière, il n'y a pas d'eau en ce moment. Et dans cette rivière, dans les années passées, ils ont construit, parce qu'il n'y avait pas d'eau, ils ont construit des maisons, des espaces publics, des terrains de foot, des terrains de basket, des espaces où les gens se rencontraient. Et où les gens se... Monterrey, ça a toujours eu une culture assez forte à niveau de musical, le hip-hop, la cumbia. Il y a beaucoup de liens avec la Colombie. et les États-Unis. Donc même à niveau des rassemblements des jeunes, etc., etc., c'est vraiment beaucoup plus lié à la question des États-Unis et aussi de la Colombie que pas au reste du Mexique, quoi. Et donc, je disais, cette rivière, pour exemple, il y a 4 ans, d'un coup, l'eau, elle a commencé à couler parce qu'il y a l'entrée, à côté, il y a le désert, mais avant d'arriver à Monterrey, il y a toute une vallée très grande où l'eau a commencé à couler et elle a complètement cassé tous ces réseaux et ces espaces. Elle a quand même détruit une grosse partie de la ville. Donc à partir de ce moment-là, ils ont commencé à reconstruire. Sauf que ce qui s'est passé à partir de 2006, 2005, mais même avant, c'était déjà un procès qui était en train de se construire avant, il y a quand même la question du narcotrafic qui est montée avec un poids très fort et très lourd. Au moment de la reconstruction de la ville. Au moment de la reconstruction de la ville, bien sûr, déjà un peu avant. Mais au moment de la reconstruction de la ville, c'est arrivé assez fort, même cette question-là. Et donc, c'est dès que Calderón il est arrivé au pouvoir, les choses au niveau narcotrafic, il y a eu des changements assez, assez importants. Et donc, ça a commencé une guerre très forte et très puissante qui a touché vraiment les populations du Nord. Et donc, là encore, quand tu es dans d'autres endroits au Mexique, tu t'aperçois peut-être pas. Oui, il y a les journaux, il y a les médias qui en parlent. Mais quand tu arrives là-bas, c'est quand même quelque chose qui change vraiment. Ouais, c'est présent, ça se voit, ça se sent. Ça se sent dans la ville, dans les jeunes, dans les gens que tu rencontres, quand tu marches dans la ville, quand tu parles avec les gens, tout ça. Et bon, il y a eu 70 000 morts dans les derniers 7 ans pour la guerre du narcotrafic. Il y a eu 10 000 desaparecidos, dont une grosse partie dans les régions du nord. Monterrey, c'est aussi la deuxième ville avec la plus grande importance des maquilladoras du Mexique. Ces maquilladoras sont des grosses fabriques des transnationales, des multinationales, qui font des produits bon marché où les gens bossent très peu payés dans des conditions limites. Et ça aussi, c'est devenu, ça a pris le poids et le contrôle du narcotrafic. Donc, une ville qui a changé profondément géographiquement, etc., etc., et où la question du narcotrafic elle est très présente. Et donc, quand tu rentres dans la ville, tu sens vraiment ce poids, cette pression qui est vraiment énorme. Et dans les changements de la ville, peut-être une chose assez remarquable, avant le centre, il y avait, parce que dans les voyages, on a rencontré plusieurs organisations et associations qui bossent sur le territoire à Monterrey. Et ils nous racontaient comme la ville elle a changé dans le temps, quoi. Et donc, si avant, il y avait les grandes industries, les d'acier, etc., etc., là, le centre, il a été tout refait. Et c'est un centre pareil, quoi, parce qu'ils ont construit des structures très fragiles, qui n'ont rien, presque rien de réel, une rivière artificielle. Mmh. C'est beau, tout très artificiel. Et là aussi, tu vois vraiment l'intention et la volonté de ne pas permettre aux gens de se rassembler, de se trouver, de partager, etc., etc. Et là, c'est devenu vraiment grave et important avec la question du narco. Quand tu penses que c'est une ville quand même très ouvrière, donc qui bossait beaucoup, mais quand même qui avait tout le côté de la fête, solidarité, etc., etc. Donc, dans le passé, même Monterrey, elle a eu une grande importance au niveau des luttes dans les années 70, etc. C'est de là-bas qui aussi s'est créé une résistance qui s'est aussi diffusée dans le reste du pays. Et là, tu vois vraiment comme tout ça a commencé à changer, même dans la géographie de la ville. Et c'est clairement l'intention qu'ils ont eue, ceux qui contrôlaient la ville, le PRI, le Parti Révolutionnaire Institutionnel, et tous les partis politiques qui ont pris des décisions au niveau de la ville et qui étaient clairement dedans la question du narcotrafic. Et donc, tu es à Monterrey et d'un coup, tu es dans les quartiers. Et il y a des... Les gens commencent à se tirer au-dessus. Il y a des coups de feu, etc., qui durent des dizaines et des dizaines de minutes. Et tout le monde peut te raconter ça. Tout le monde peut te raconter des desaparecidos, des enlèvements, des morts, etc., etc. Il y a des... Je sais pas, il y a... Pour exemple, dans la question de la musique, il y a un groupe de cumbia très connu là-bas, 14 personnes. Ils sont allés jouer une soirée dans un bar, dans une fête, c'était une fête privée dans un bar, et le narcotrafic a dit « Non, il ne faut pas aller jouer dans ce bar-là ». Le groupe y est allé quand même, les gens sont arrivés, ils ont tiré sur la foule, ils ont tué 13 des 14 personnes du groupe, et plusieurs autres personnes. Donc c'est vraiment... Et ça, c'est une chose qui arrive presque chaque jour. Il y a une quantité de bars, de restaurants, etc., etc., qui n'existent plus parce que les narcotrafiquants, ils arrivaient, ils tiraient sur la foule, en plein ville, en plein jour. Il y a la question... Ils ont tiré au casino en plein jour et ils ont tué, je ne sais pas, une quantité de gens assez importante. Donc c'est vraiment une... Et même à niveau culturel, etc., etc., c'était une ville très, très active, même dans la question des bandes, aussi dangereuses, c'est clair, parce que dans les quartiers, c'était pas évident. Et là, la majorité des jeunes ont été recrutés par la question du narcotrafic. Donc il n'y a même plus cette question des bandes qui se faisait une certaine guerre. Ouais, mais qu'entretenait une vie collective quand ouais. même... Exactement. Et là, il n'y a plus même pas ça, quoi. Il n'y a que le narcotrafic, quoi. Et du coup, tu disais qu'il y avait des desaparecidos, pas mal de... Oui, on a rencontré une organisation qui bosse, surtout les maires des desaparecidos qui bossent dans ça, et qui dénonce justement toute la question des liens entre le gouvernement, les narcos... qui veulent en fait vérité et justice sur ces enfants, sur les gens qui ont été victimes de ça. Enlevés, victimes de ça, justement. Et donc même on a passé un après-midi avec elle et c'est vraiment des choses très touchantes. Que quand tu lis sur les journaux, c'est vrai que tu ne te rends pas compte, mais après quand tu es là-bas et tu parles avec les maires, avec les gens qui ont vécu vraiment ça et qui continuent à vivre ça, parce qu'ils disent, nous, on sait rien. Des gens qui ont été enlevés, quoi. Mm-hmm. On n'a aucune nouvelle, le gouvernement ne fait absolument rien. Et quand on va là-bas pour demander des informations, ils nous disent pas. C'est un peu la suite de la guerra sucia qu'il y avait dans les années 70 en toute l'Amérique latine et aussi au Mexique, quoi. Sauf que là, si avant c'était une guerre, la guerra sucia, une guerre contre les mouvements politiques de gauche et les activistes de gauche, là, c'est devenu une question globale, générale, qui touche toute la société entière. Juste pour décomposer un petit peu le lien social qu'il y avait. Ouais. Et ça, c'est effrayant, parce que les gens se disaient, moi, dans les années 70, je n'étais pas touché par ça, parce que ma famille n'était pas politique, donc je ne faisais pas de la politique. Et donc oui, il y avait du monde qui était touché par ça, mais je me disais, oui, c'est quand même une question qui touche pas toute la population. Et là, en ce moment, je me dis, mais qu'est-ce que je faisais, moi, dans les années 70? Comme moi, là, je cherche de la solidarité. Et c'est aussi vrai que c'est difficile d'arriver à toucher cette solidarité. Et après, ce qui est important aussi, en même temps, c'est la volonté et l'énorme envie de recréer et de reprendre des espaces que, dans le temps, ont été quittés par la politique, par les partis politiques, par le réseau des narcotrafiquants, etc., etc. Donc il y a une grosse volonté, une grande envie que peut-être tu ne ressens pas normalement dans les villes, des gens et des jeunes en particulier, des femmes aussi beaucoup, de récupérer des espaces, de retrouver la place, l'espace public pour faire des choses, pour se trouver, pour s'organiser. Et là, vraiment, il y a une volonté... surtout lié aussi à la question des universitaires, les gens qui sont sortis du mouvement Yo Soy 132, mais aussi à niveau des mouvements syndicaux, qui sont en train de faire des liens entre les plusieurs parties de la société qui ont envie de bouger, de récupérer des espaces. Mmh. Et... On peut contrecarrer un petit peu cette espèce de politique d'atomisation du truc. De sortir de la politique de la peur. Parce que c'est vrai, là, c'est vraiment la politique de la peur. C'est diffusé, les gens ont peur, les gens ne sortent pas de la maison. Pour exemple, une ville qui, je pense, qui produit la majorité de la quantité de bière dans tout le pays du Mexique, pour exemple, dimanche après-midi, à partir de 14h, tu ne peux plus acheter de la bière dans la ville. Parce qu'ils disent, les gens, il faut qu'ils se préparent pour le lendemain, pour aller bosser, et on ne veut pas... qu'il y a des problèmes qui se causent. Et donc oui, c'est vrai, c'est comme disaient les copains là-bas, les gens sont vraiment dans ça, le fait d'aller bosser, le foot le soir, le barbecue, les moments de pause, etc., etc. Et puis le boulot, quoi. Et il n'y a plus rien, c'est tout un tissu, un truc des liens sociaux, c'est cassé dans les... avec le temps, quoi. Et là pour exemple, il y a des copains qui sont en train de on a bossé un petit peu dans ça, qui sont en train de réouvrir un espace qui a été il y avait un centre culturel dans un quartier de Monterrey qui faisait lié à la Outra Campaña, lié au mouvement zapatiste, parce qu'il faut dire que là-bas, c'est quand même, il y a quand même pas mal de liens avec tout le mouvement zapatiste aussi. Vu l'histoire de la ville, ouais. Oui, dû à l'histoire de la ville aussi. Et donc, il y a des copains qui sont en train de reconstruire des espaces. Et donc, un espace très important qu'il y a 2 ans a été brûlé par le narcotrafic, parce que ça dérangeait quand même... le quartier, mais qui faisait au même temps un boulot énorme pour le quartier, a été brûlé, a été saccagé, a été détruit. Et donc à partir de ce moment-là, lentement, les gens se sont dit, ouais, il faut réouvrir cet espace parce que c'est trop important, quoi, pour la ville et pour le quartier surtout. Et donc on a participé un petit peu à une brigade pour reconstruire cet espace qui deviendra, je pense, à partir de septembre ou quelque chose comme ça, à nouveau un espace assez important, culturel, pour diffusion de l'information, pour se retrouver, quoi, pour faire des choses, des activités liées à la question zapatiste, mais pas que la question zapatiste. Donc, pour créer du lien. J'imagine que ce n'est pas si simple de reprendre ce genre de truc, en fait. Non, parce que les menaces sont à l'ordre du jour, il y a tout le temps des menaces, il y a tout le temps des gens qui viennent, des gens qui viennent, qui te disent faites gaffe à ce que vous faites, parce que là, etc., etc. Mais bon, après, il faut dire que les copains sont préparés, ils savent très bien ce qui se passe, et il faut des fois aussi un peu forcer, et donc se dire non, nous, la peur... on ne veut pas vivre avec cette peur, quoi. Et donc il faut un peu s'activer pour sortir de cette question de la peur et de subir en continuation cette guerre qui a été voulue, il ne faut pas l'oublier, par le président mexicain Calderón, et que là elle a un peu baissé parce que le président actuel Peña Nieto ne veut pas la mettre vraiment à l'ordre du jour, mais c'est pas qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Et après, il faut aussi dire que le PRI est retourné au pouvoir, et donc le PRI, il a repris tous ses liens et tous ses négociations, ses affaires avec la grande question du narcotrafic, quoi. Et oui, mais c'est une ville vraiment intéressante qu'il faut connaître et qu'il faut vivre et qu'il faut... Oui, qu'il faut vivre, parce que c'est... Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, si on pense à nos villes, etc., etc., qui sont aussi en train de changer vraiment de façon radicale, mais la volonté de ne pas accepter ce qui est en train de passer là-bas, même avec un niveau de violence très fort, hein. Très fort, c'est vraiment étonnant, quoi. Mm-hmm. Ça donne de l'espoir, quoi. Qu'ils sont en train de vouloir changer des choses comme ça.

Et donc, pendant ces, depuis 68, 70, ils ont vraiment changé la, complètement le quartier. Et donc là où il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas une question de la santé, il n'y avait pas beaucoup de la question de l'éducation, les écoles, etc., etc., ils sont arrivés vraiment à construire tout un réseau solidaire et collectif de lutte commune, quoi. Et donc, ils ont changé radicalement le quartier. Et là, ils bossent encore, après 30 ans et plus, dans des conditions difficiles, parce que c'est clair qu'ils se revendiquent, ils revendiquent une autonomie très forte, même s'ils disent que c'est pas une question, pour exemple, la différence avec l'autonomie zapatiste, qu'ils bossent en dehors du gouvernement, ils ne veulent pas recevoir de l'aide du gouvernement. Eux, ils disent, c'est le gouvernement qui nous a mis dans cette situation, et donc c'est le gouvernement qui doit résoudre cette situation. Et donc, ils luttent aussi au sein du gouvernement pour pouvoir changer la chose. Mais c'est une expérience très intéressante, parce que tu vois vraiment comme les choses dans le quartier changent. Et donc, tu t'aperçois, tu vas dans le quartier, les gens sont solidaires. Bah, pas tout le monde, hein, je ne veux pas dire que... Je ne veux pas idéaliser la question. Mais il y a un boulot qu'ils sont en train de faire qui est vraiment très intéressant. Et l'organisation s'appelle Tierra Libertad. Et on l'appelle un petit peu un barrio autonome dans la question de Monterrey. Donc c'est connu partout dans Monterrey. Et le boulot, il continue, quoi. Et une autre chose que peut-être c'était lié à la question des jeunes et des espaces de liberté. Je disais tout à l'heure que avant d'arriver à Monterrey, il y a toute une vallée avec où il y a aussi des montagnes, etc. C'est une vallée très très belle, très que d'ailleurs des entreprises américaines du Nord voulaient privatiser pour prendre toutes les ressources, etc., etc. Il y a eu une lutte très, très puissante. Et c'était quand même un lieu aussi, et c'est encore, mais un peu moins, c'était un lieu où les jeunes allaient pour se rassembler, pour faire des concerts, pour faire des fêtes. Et il y a eu une période où ils organisaient des raves, des fêtes électroniques sauvages, un petit peu, etc. Et c'était devenu, il y a une dizaine d'années, 8 ans, etc., etc., 7 ans, un peu à la mode, quoi. Donc, il y avait vraiment... D'abord, ils sont partis comme souvent c'est passé aussi ici, une question d'occupation des terres, des occupes sauvages. Et elles se sont transformées un peu dans une question à la mode. Mais du coup, avec la question du narcotrafic, les gens organisaient quand même des fêtes pour sortir un petit peu de la ville et pour aller... en dehors de toute cette question de la peur et du narcotrafic et de la violence. Et du coup, les narcotrafics ont compris que là-bas aussi, il y avait des moyens pour y entrer. Ils arrivaient le matin à la fin de la fête et ils volaient les voitures à tout le monde, ils volaient les gens. Et aux gens qui ne voulaient pas se laisser faire, des coups de mitraillette, etc., etc. Et il y a eu plusieurs fêtes qui ont été où il y a eu plusieurs morts à cause de l'arrivée des narcos. Et donc, du coup, il n'y a plus de fêtes, quoi. Et donc, ça aussi, c'est vraiment pour témoigner l'état d'une ville, comme cette ville, elle a changé. Ça a évolué. Mais en même temps, comme il y a encore beaucoup d'espoir pour... et beaucoup de volonté pour sortir de cette situation-là. Ils vont peut-être retourner faire des fêtes là-bas, finalement. Ben, finalement, on espère. Yo quiero sonreír sin pensar en nada, huir como un fugitivo de esta realidad. Porque sé que la vida se va y después ya no hay marcha atrás. Le he chocado con cantidad de piedrecitas en el camino. Dicen que son las cosas del destino. No somos cadivinos, la vida es una data dominó y hay que jugarla como vino. Mar de sonrisa y llanto, de amor y desencanto, Mañana son mañana, ¿a qué estás esperando? Hey, felicítame, hey, felicítala. A mí por la suerte de estar vivo, y a la muerte por mostrarme su prima. Los segundos son indetenibles que invisibles para siempre. La muerte es más puntual que un cobrador de la corriente. Aquellos que se sienten a esperar un regalito, les saldrán canas. Y en una tela donarle un callito. Te explico para evitar confusiones y dudas. Tiempo. Es una vez los liebres y el amor una tortuga. La paz como un gas se fuga. Todo el pasado se muda. La impaciencia se desnuda, muda. Y tras la violencia se escuda como un Buda. En tu propio espacio te concentras. Que en ti te busca y te asusta porque no te encuentras. Solo ve a un señor andar de un lado a otro, llamado arrepentimiento, lamento, alias sueños rotos. Siempre es poco, juega bien, la vida es como un parchín. Trata de poner a salvo tu alma donde sea feliz. Que el tic-tac del reloj no frena, el click-clack de las armas suena, en zig-zag dan almas en penas por todo el país. Como un tapiz vacío en una pared vacía, de un apartamento frío en una ciudad sin día. Se pinta la melancolía en nuestros corazones y no se borra, aunque eso no es dibujado con plumones, sino con acciones que perturban y siembran dolor tan insoportable como el sonido de un despertador. Recuperar el ayer, idea ridícula. La máquina del tiempo solo existe en la y que cada segundo sirva para decirte cuánto te amo. Abrazarte y besarte y apretar fuerte tu mano. Olvidar lo sucedido, saber que no equivocamos. Y perdonarnos, porque para algo somos seres humanos. Si te viste, reconoce algo bello, perdiste. Que nunca fuiste capaz de arreglar lo que rompiste. Porque hiciste, deshiciste sin piedad y sin clemencia. Y la justicia come personas y cada sentencia. No comprenderás cuando un ser se va. Porque aunque llore, que implore, lo siento, no hay marcha atrás. No mirará, no se detendrá, no frenará. Que la vida no es más que más ruedas que no parará. No pierdo la fe, continuaré, arreglaré mis errores. No se haré que cada segundo cuente una y otra vez. Los tabúes no me sirven, como ven, me les resisto. La encapucha vendrá y encontrará mi cuerpo listo. Todo acaba, es tan probado y es tan evidente. Y es tan buen motivo en cuanto a vivir intensamente. Un día más, un día menos, otro día para siempre. Porque solo el ser mortal lo hace todo ser diferente. Sé quién eres, a lo que puedas, quien quieres, si lo prefieres. Que cada 7 segundos alguien en el planeta muere. Nunca serás más bonita en cada día de lo que eres. Los dioses nos envidian, pues no conocen los placeres. El enigma de vivir, la fortaleza para construir por venir. Solo una llave permite salir, caer, subir, códigos de subsistir. Y al final por esa puerta todos vamos a salir. Imposible huir, cargo que impresiones nos limitan a luchar por una estrella, una existencia bendita. Dolores, trampas que afectan y debilitan. El tiempo te corta, la vida es más corta que bonita. Quita la familia, los amigos, los buenos sucesos, el poder de un beso. Dime qué somos sin todo eso. Es solo por eso que buscamos fuerza y sentimiento. El valor de no cegarnos para irnos antes de tiempo. Momento, desenfreno, perfume, veneno, rencores caquenos que evidencian lo malo y lo bueno. Enumeración de actos nobles, corazón estable, trata de vencer el miedo, que el fin es inevitable. Tampoco te olvides nunca de esos pequeños detalles, como el beso de la vieja que antes de coger la calle. Porque nadie sabe cuándo pasa la última carroza. Dale también un abrazo, que del diablo son las cosas. Hermosa, tristeza, trabajo, decepciones, corazones rotos, risas, errores sin soluciones. Por eso cuando menciones mi nombre y me vaya ya, solo me llevo a la tumba rap, vergüenza y dignidad. Un nuevo amanecer llega súbito. Gracias a Dios por regalarme otro día para vivirlo como el último. En el púlpito de mi alma una alabanza cita. Enseñanzas que con tinta de dolor la vida dejo escrita. El corazón palpita mientras ves seguir la lucha entre errores del pasado y sueños sin cumplir. Es el porvenir, sino una suma de esperanzas que hace avanzar para alcanzar la felicidad antes de morir. Y aún queda mucho por hacer ver, preguntas que responder, batallas que perder y vencer. Mas voy tranquilo, ya conocí el amor, tuve un hijo, luché por algo y di que te amo, mis seres queridos. Puedo marchar mañana a reunirme con mamá, no sin besar a mi mujer y decirle a mi chama. Papá tuvo una virtud, miles de defectos, pero no se rindió, siempre luchó por lo que amó. Perfecto. No existe nadie, no, si me equivoco yo.

mejores cuerpos.